Le corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée a visité le 24 l'exposition culturelle de Pyongyang à l'occasion du 56e anniversaire du commencement par le général Kim Jong-il de la direction de la révolution de Sun Gun. Les hôtes étrangers ont vu les photos des exploits des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, leurs œuvres et les livres coréens. Ils ont ensuite écouté l'enregistrement sur la volonté révolutionnaire des militaires et civils coréens décidés à réaliser à tout prix la victoire finale dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine.